Prêt pour un peu de nouveauté, c'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Pendant 3 heures, on va découvrir ces nouveautés qu'on a reçues pendant la semaine à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. On a reçu encore une fois des tonnes de nouveautés. On va en passer, j'espère, la plupart. On commence par l'alternative anglophone et la formation Farewell. Dites bonjour à Farewell. C'est les petits nouveaux du monde de la musique qui veulent remettre le plaisir dans le rock. C'est ce qu'ils disent et les voici avec leur album Isn't This Supposed to Be Fun et la pièce Start It Up. À la chance au coureur, à C'est fou 89 FM. Ninja. Formation américaine Farewell avec la pièce First One on the Blog, précédée de Start It Up, la première pièce de leur album qui s'appelle Isn't This Supposed to be Fun. Ça sort le 25 septembre. Le band vient de Caroline du Nord. Et en parlant un petit peu d'eux, tiens, j'ai des informations de leur document de presse envoyé par l'étiquette même. Donc, Farewell est un groupe qui a comme mission de remettre le plaisir dans le rock. Venant d'une petite ville saturée de métal et de hardcore, ce groupe, ce sextet, ce sextu... comment on dit ça? En tout cas, un groupe à 16 personnes, voilà. Veulent se faire leur propre niche avec un mélange unique de power pop léger. Leur premier album, encore une fois, Isn't This Supposed to be Fun, sort en septembre et le groupe veut donner aux masses quelque chose, une raison de sourire, voilà. Et donc, c'est Marshall Davis à la voix, Chris Lee au clavier et à la voix, Kevin Carter à la guitare, Will Andrews à la guitare, Buddy Bell à la bass et Jeff Ellis à la batterie. Ils se sont formés en 2004 et leurs influences sont, entre autres, des choses aussi diversifiées que les Beach Boys et Green Day. Ils ont fait un son pop-rock entraînant qui est loin de la scène qui domine leur ville. Voilà, c'est ce que leur document de presse dit. Si vous voulez plus d'informations sur la formation Farewell et leur album qui sort le 25 septembre, allez voir le myspace.com/Farewell ou encore le epitaph.com. Ils n'ont pas de spectacle au Québec, mais j'ai vu qu'ils vont jouer à un bar qui s'appelle The Chance. Et j'aime ça, étant donné que le nom de l'émission, c'est quand même La Chance au coureur. Hein? Faut le rappeler, une fois de temps en temps. Vous écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1 FM. Et tout de suite, on continue avec Cake et l'album B-Sides and Rarities. Voici tout de suite la version, je crois que c'est la version live, si j'ai bien lu dans le document, War Pigs. À La Chance au coureur. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, world stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me who started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Oh, Ruby, for God's sakes. Turn around. Turn around. Retourne-toi. Get back in here! C'était Cake. Avec Ruby Don't Take Your Love to Town. Ça vient de l'album B-Sides and Rarities qui sort très bientôt. Cake qui vient de Sacramento aux États-Unis. J'ai un petit document de presse envoyé par l'étiquette et je vais essayer de vous traduire ça live, ce qui n'est pas toujours évident. Inspiré par les personnes remplies de passion, tiens, qui ont continué de soutenir et d'apprécier Cake à travers les années. Cake est donc heureux de leur redonner, si on veut, les récompenser. Tiens, voilà, je vous avais dit que j'aurais de la misère. Avec leur compilation exclusive B-Sides and Rarities. Depuis qu'ils sont arrivés sur la scène de la musique au début des années 90, Cake a non seulement survécu, mais ils ont eu aussi beaucoup de succès dans une industrie tumultueuse où les étiquettes majeures n'arrêtent pas de se fusionner et ensuite mourir. Donc les indépendants ont de plus en plus de pouvoir sur la scène et puis la vie des bands ne dure à peine que quelques albums, souvent deux albums, c'est ce que ça dit. Donc c'est une collection unique de pièces rarement entendues. C'est leur premier album depuis leur dernier qui était un album studio Pressure Chief. Plusieurs chansons sur l'album étaient originalement chantées par des personnes légendaires telles que Frank Sinatra, Barry White, Buck Owens, George Jones, Ozzy Osbourne et Kenny Rogers. Le band a utilisé ces chansons-là pour trouver de nouveaux éléments créatifs à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont produit des pièces qui maintiennent le timbre unique, si on veut, du band en même temps. Donc, ça vient aussi avec un emballage scratch and sniff, donc gratté et santé. Et il y a des pièces remixées et remasterisées, en plus d'un bonus exclusif d'une version live de War Pigs avec Steven Drozd des Flaming Lips. Voilà, j'espère que j'ai quand même pas trop massacré ce qu'ils voulaient dire dans leur texte. Quand même, on continue donc Cake. Je rappelle le nom de l'album, c'est B-Sides and Rarities. Voilà. Prochain album, c'est la formation de Weaker Thans avec Reunion Tour. Et tout de suite, voici une pièce de cet album que vous allez certainement aimer si vous connaissez le groupe, j'imagine. Voici Sun in an Empty Room à la Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés avec vous au 89.1 FM. Sun in an empty room. retour, plus de Weaker Dance et le nouvel album Is des Yeah Yeah Yeahs. À la chance, au courage. On continue la chance au coureur avec une autre pièce des Weaker Dance. Leur album, c'est Reunion Tour et voici Civil Twilight. À CIFU 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. My confusion. Twilight de la formation canadienne The Weaker Dance de leur album Reunion Tour. Juste avant, c'était Sun in an Empty Room, toujours du même album. Donc, parlons un petit peu de ces Weaker Dance. Stephen Carroll à la guitare, la voix, pedal steel et clavier. John K. Samson à la voix, guitare et clavier. Greg Smith à la basse, voix et clavier. Et Jason Tate à la batterie, percussion, vibes, glockenspiel, clavier, banjo et les loops. L'album sort le 25 septembre prochain. C'est leur quatrième album, Reunion Tour, qui a été enregistré en mars 2007 dans un studio construit au-dessus d'une usine de près de Winnipeg, dans les prairies, où le band est né il y a 10 ans. L'usine, selon leur dossier de presse, produit des boîtes pour des machines et des ordinateurs, des boîtes, des caisses comme on l'appelle, et des instruments de musique, mais seulement le jour et pendant une semaine et demie, en plein milieu de l'hiver, après que les travailleurs soient partis chaque après-midi à 16h30, le band The Weaker Dance et leur producteur Ian Blurton arrivaient et puis ils jouaient toute la nuit, créant de nouveaux sons et de nouvelles chansons sur le plancher de l'usine et ensuite ils retournaient à la ville juste avant le lever du soleil du Manitoba qui gide. Voilà. Reunion Tour, ce n'est pas une réunion, non. The Weaker Dance ne sont jamais partis, mais ils disent que c'est un grand pas vers l'avant pour le band. Il y a une nouvelle confiance, un nouveau confort, quatre musiciens qui sont plus sûrs que jamais de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent dire. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, allez voir theweakerdance.org, theweakerdance.org, ou encore le myspace.com/theweakerdance. Ils vont être en spectacle au Québec, mais c'est quand même assez loin. Le 2 novembre à 20h au National Cabaret avec invité spécial Jen Grant. Ça, c'est à Montréal, le National Cabaret. 2 novembre, 20h. Et le 3 novembre, le lendemain à 20h, chez Dagobert avec, encore une fois, Jen Grant. Et ça, c'est dans la ville de Québec. Donc, les 2 et 3 novembre à Montréal et à Québec, c'est The Weaker Dance. Voilà pour eux. Maintenant, on passe à un groupe que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis en fait plusieurs mois, depuis qu'on a reçu leur album avec la pièce qui était passée sur nos palmarès, qui s'appelle encore d'ailleurs Gold Lion. On a reçu un maxi de leur part, un hippie comme on appelle en anglais. C'est la formation de Yeah Yeah Yeahs. Leur album, c'est Is Is. Et voici à l'instant même Rockers to Swallow. À la chance, au cours! Hey! Yes, avec leur nouveau EP qui s'appelle Is Is, la pièce Down Boy, ici à la chance au coureur. Parlons un petit peu des Yeah Yeah Yes, comme si j'étais juste cherché sur Wikipédia pour vous renseigner un peu. Yeah Yeah Yes, c'est un groupe de rock américain originaire de New York. Leur musique est un mélange de style rétro avec des guitares heavy rock et punk, des sons artificiels, des cris ou des vocalises bluesy. C'est tellement bien dit. Donc, ils viennent de New York aux États-Unis. C'est un band de indie alternatif. C'est un nouveau EP de 5 pièces qu'ils nous ont envoyé. Les membres sont Karen O à la voix, Nick Zinner à la guitare et la drum machine et Brian Chase à la batterie. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le yayayas.com ou encore le myspace.com/yayayas. Il y a des informations là-dessus. Et puis, le EP sort le 24, est sorti le 24 juillet dernier. Voilà. Ce n'est pas le EP de votre maman et de votre papa. C'est ce que ça dit sur leur MySpace. C'est tellement joli. On en écoute très bien plus, mais vous savez qu'on a seulement 3 heures et des tonnes de musique à vous passer aujourd'hui, donc on continue avec Black Audio, qui vient de Hollywood et Oakland en Californie. C'est un petit peu d'électronica qu'on s'en va entendre, et voici tout de suite la pièce Stiff Kittens à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Ah, c'est fou 89.1 FM, hein? C'est la Radio Campus de Trois-Rivières, on ne dira jamais assez. C'est votre Radio Campus à Trois-Rivières. La tienne, la toi, à la maison. Ici, c'est la tienne. Yeah. We're all still the same, dear. I have owned this life forever. I'll always remain. If it's just the same, dear, why have you left before forever? Yet returned again. If you me heaven, I will meet C'est fou depuis 10 ans. Cario avec Semiotic Love. À la chanson coureur, c'était précédé de Stiff Kittens, deux pièces du nouvel album de Black Audio qui s'appelle Sex Cells, mais en jeu de mots, Sex C-E-X et puis Cells C-E-L-L-S. C'est absolument génial. Electronica, pas la musique. Je parlais du nom du CD. La musique, c'était correct. Donc, Electronica de Black Audio, Black Bella QK. Et puis, leur album Sex Cells est disponible maintenant. Ils viennent de Hollywood et Oakland, en Californie, aux États-Unis. Les membres sont Davey Havoc et Jade Puget. Leur site web, c'est blackaudio.com. Je l'ai déjà dit tantôt, mais c'est blaqkaudio.com ou encore myspace.com/blackaudio. Vous pouvez entendre des pièces. En fait, les seules pièces que vous pouvez entendre, c'est les deux qu'on a fait jouer, Stiff Kittens et Semiotic Love. Ils vont être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis, mais pas encore au Québec pour l'instant. Allez voir sur leur MySpace pour en savoir plus à leur sujet. Voilà pour eux. Maintenant, on passe à un autre album, celui de Josh Wheeler, The Historical Conquest of Josh Wheeler. C'est toujours dans l'alternatif anglophone. On termine l'alternatif anglophone pour cette première heure. En deuxième, on va entendre du francophone. Avant, on va entendre tout de suite la première pièce de l'album qui s'appelle To the Dogs or Whoever. À la chance, au coureur, à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah. Josh Miller, de l'album The Historical Conquest of Josh Miller, c'était la pièce To the Dogs or Whoever. Parlons très rapidement de lui, il nous reste à peine quelques minutes. Josh Miller à la guitare et la voix, Zach Hickman à la bass guitare, tuba et heavy lifting, Sam Cassera au piano, clavier, accordéon et drôle de son, Dave Ingerty à la batterie, percussion, photographie, Liam et la photographie, et Liam Early à la batterie et aux percussions. Il va être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis, au Canada, le plus près qui va être de nous, je crois, c'est à Toronto, en Ontario, le 26 septembre. Influence Leonard Cohen, Gillian Welch, Billy Collins et Mark Twain. Vous pouvez entendre des pièces dont To the Dogs or Whoever. Et la prochaine qu'on s'en va entendre, Right Moves, sur le myspace.com/joshreader ou encore sur son site web, le joshreader.com. On s'en va entendre la pièce Right Moves tout de suite. Les auditeurs du vendredi s'en vont entendre les nouvelles de Radio-Canada alors que les autres restent avec nous. On revient dans à peine quelques instants. C'est la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés avec vous au C'est fou 89.1 FM. On commence la deuxième heure de la chance au coureur, cette heure presque complètement francophone avec Horizon. Voici la pièce titre de leur nouvel album Néant, à la chance au coureur. Avec à chaque fois c'est pareil, précédé de la pièce titre instrumentale Néant. Hein, leur album s'appelle Néant aussi. Horizon, je veux pas être négatif. Vous savez que j'aime pas tellement parler en mal des bands, donc je le fais pas trop longtemps, mais un petit peu de noir silence là-dedans. Hein? Je sais pas. Il n'y a pas juste dans le nom qu'on retrouve les lettres N-O-I-R. Petite biographie de Horizon. Uni depuis 12 ans par une forte amitié et une complicité artistique remarquable, Éric Joly, chanteur et guitariste, et David Huot, le bassiste, pardon, sont à la base de la formation du groupe Horizon. Dès leur début, une belle chimie s'installe entre eux et ensemble, ils parcourent plusieurs groupes tels que Horrific et Exit. Ils exercent aussi leur talent en tant que duo chansonné dans différents bars de la région de la Mauricie. Au fil du temps, l'expérience toujours grandissante, ils décident ensemble de se donner un nouveau défi, celui de former un groupe hommage à AC/DC, Hard as a Rock. Suite à une annonce faite sur Internet, ils découvrent Carl Desrochers, le batteur, un mort de musique. C'est alors qu'un rêve de longue date commence à prendre forme. Des idées de création explosent en leur présence. Au fil du temps, se joignent à eux Jimmy Brassard, le claviériste, qui, grâce aux touches noires et blanches de ses pianos, apporte de nouvelles couleurs aux compositions. Depuis le début de l'année 2007, Johan Stromer, le guitariste, a rejoint le groupe et se fait un plaisir d'apporter une touche finale à ce fantastique travail d'équipe. On avait reçu, d'ailleurs, le CD de Johan Stromer ici, assez fou, on avait bien aimé. Tous font maintenant partie du groupe Horizon. Depuis deux années intensives se sont écoulées pour la création d'un premier album, Néant, avec ses textes qui mènent à réflexion et ses mélodies rock qui les supportent. Cet album nous fait voyager à travers plusieurs sujets et expériences de la vie. À vous de découvrir le reste de l'histoire. Évidemment, on s'entend qu'à la chance au coureur, on a seulement 3 heures, on a une bonne trentaine de CD à découvrir. On a seulement le temps de passer 2 pièces pour la plupart des CD. Donc, on s'excuse si on n'a pas le temps d'apprécier et d'écouter plusieurs fois l'album pour peut-être faire une différente opinion. Mais c'est toujours des premiers avis. Donc, ne prenez pas ça trop mal. Les gars. Horizon, si vous voulez plus d'informations, allez voir le Horizon, O-R-I-Z-O-N.org, Horizon sans le H. .org pour avoir une biographie, la discographie, des dates de spectacles passés, des photos, des vidéos, des coupures de presse, un forum et une section pour les contacter pour vous procurer leur CD qui s'appelle Néant. Beau travail. Mauricien, groupe de la Mauricie. On passe à un album francophone populaire, la formation Colette. Colette, et ça m'intrigue, c'est tellement joli avec un petit oiseau sur un tank. Vraiment, le dessin sur la pochette, c'est bleu complètement. Il y a un tank et il y a un oiseau jaune sur le tank. C'est écrit Colette, c'est tout. Et à l'arrière, on trouve, je sais pas, des lignes. C'est un petit peu ça. Donc voici, à l'instant même, de leur album éponyme, la pièce À la surface. Ça se passe maintenant à l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Juge un petit peu et puis s'amuse quand même en le faisant. C'est la chance au coureur. À C'est fou 89 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Demain me le dira bien. Dans ton corps. Retour plus de Colette à la Chance au coureur. Vous écoutez la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Voici une autre pièce de Colette, les fuseaux horaires. À CIFU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Tenter de tuer une image de 20 battements de cils, à deux mains prendre son courage quand plus rien ne semble facile. N'a plus ferme qu'une jambe cesse de trembler, déguiser toute sa peine par un Jamais pu faire place au monde. On se retrouvera au milieu de la terre, à force de marcher en sens contraire. La formation montréalaise Colette. Avec trois pièces de leur plus récent album. L'album éponyme. Colette Indie Rock Pop, un groupe de Montréal. Donc, les pièces qu'on a entendues, c'était les fuseaux horaires, précédés de Soap Opera, précédés de À la surface. Soap Opera! Colette, donc, un groupe formé de Mélissande, Guillaume, Gab, Jean-François et Greg. Et leur site web, c'est CCK. cccolette.com, cccolette, donc 3C au départ.com, de faire une petite biographie, mais avant ça, je me sentirais mal de pas amener dans la conversation. Est-ce que t'es prête? Non, pas vraiment, c'est pas grave. Voici Princess Peach elle-même, Caroline. Oui, qui vient tout juste d'arriver. Mais oui, te voilà enfin. Oui, nous voilà enfin avec une heure et demie de retard. À peine. Prépare-toi pendant que je parle un petit peu de Colette. Faisant souvent tourner les têtes au passage, Colette se fraye un chemin dans le creux de l'oreille et de la foule, à la fois électrique et éclectique, révélant tantôt un regard sombre, mais plus souvent malicieux. Colette jette un coup d'œil teinté d'ironie et de sarcasme. Hein? Et de sarcasme et sur le tout et le rien du quotidien. C'est du fil des jours, le groupe qui naît d'abord et avant tout d'une grande amitié entre Gabriel Lambert et Guillaume Landry. S'étant rencontré à Montréal en 93, il forme aussitôt Odilo Style, ou Odilo Style, embryon de Colette. Ne laissant jamais tomber l'idée de poursuivre un projet créatif commun, ils prennent néanmoins des avenues différentes. Guillaume accompagne le groupe de musique du monde Syncope à la batterie ainsi que d'autres projets pop, tandis que Gabriel se démarque en tant que guitariste sur la scène jazz montréalaise. En 2005, avec de nouvelles ébauches en main, ils décident de reprendre leur collaboration musicale et de réaliser leur rêve. La musique de Colette accompagnant des textes à la fois introspectifs et pince sans rire, tant vers le sombre, mais aussi le rose bonbon. La voix de Mélissande fait c'est marier ces deux univers et jette un clin d'œil subtil à qui ne porte pas attention. Les guitares cinglantes de Gabriel sont souvent en premier plan et le son agressif de Guillaume à la batterie assure la cohésion de l'ensemble. Sous une couche de couleurs synthétiques, Jean-François crée un spectre sonore envoûtant et kitsch, tandis que Greg, de sa basse, cimente le plancher de danse. C'est un résumé assez rempli de... Un résumé pas très court, on pourrait dire un résumé assez exhaustif. C'est en grand détail. Oui. C'est pas si mauvais que ça, quand même. Je le disais tantôt, le site web, c'est cccolette.com, donc cccolette.com, ou encore le myspace.com/colette-band. C'est certainement plus simple d'aller sur le MySpace, oui, et d'aller cliquer sur le lien vers leur site officiel. Leur album est éponyme, on a entendu 3 pièces, et c'est assez pour ça. Même si j'ai beaucoup aimé, moi. Je trouve ça très bon. Moi, je n'ai pas entendu, je suis arrivée à la fin de la 3e pièce. C'est pas grave, on t'aime pareil. Ouais, j'espère que vous me pardonnez. Sais-tu ce qu'on aimera peut-être pas pareil, par exemple? Non! Qu'est-ce que je viens de voir qu'on est rendu à notre bloc de francophone rap? Oh! Et ça, ouais, c'est un petit peu plus difficile pour nous. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aimer ça, mais c'est juste pas dans nos goûts à moi et à Mathieu. Exactement. On le passe quand même parce que ça fait partie de la vie. Un peu comme Canal Vie, ça. Ça fait partie de la vie. oui, et puis, question de ne pas faire de discrimination non plus. C'est ça, ben oui, quand même. Parce qu'on est des gens gentils. Oui, on est des gens gentils, mais on dit quand même ce qu'on pense. Hein? On dit ce qu'on pense. Ça arrive des fois qu'on n'aime pas quelque chose. Des fois, on sent mal même de le dire. En tout cas, tantôt, je me sentais super mal de le dire. Mais quand même, on n'a pas le choix. C'est comme ça, regarde. On les dit pas d'avance, c'est le but. On a la liberté de dire ce qu'on n'aime pas sans dire ce qu'on vient d'écouter est carrément mauvais. C'est quand même pas ça non plus, là. Non, c'est pas ça. On dit, tu sais, c'est pas pour nous autres. Hein. C'est ça. C'est ça. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Liberté, je chuchote ton nom partout. Voici Maigre ou Gros Gras avec leur album Frogs et l'introduction suivie de Mug Remix à la chance. Au coureur. Je chuchote ton nom partout. C'est drôle. C'est la chance au coureur, c'est fou, 89 FM, c'est vrai. Y'a pas d'équivalence, on est la référence la plus fiable. Toutes tes préférences équitables, ça c'est indiscutable. Y'a aucune comparaison possible. On n'a pas de compassion pour tout ce qui est passible d'être plat. On est plausible comme quatre, c'est pas impossible. Fact, j'fais pas plus haut que tout quand j'dis ça. Donne-moi un beat qui est rappable, puis j'vais te montrer de quoi j'suis capable. L'attention est rendue palpable, c'est tendu, on cherche des coupables. Mais on se crisse bien de ça. On n'est pas de ceux qui ont tendance à exagérer le train de vie quotidien. Nous suis des hosties chiens sales que tout le monde haïsse. Si t'es pas réglementaire, on tourne sa tête comme un tremblement de terre. Rien ne s'arrête, t'as beau te cacher en dessous d'un cadrage de porte. C'est un vrai cadrage quand je vois qu'il y a aucun barrage qui sort des excès de langage qui choquent. M.O.J.J. M.O.J.J. Y'a pas d'équivalence, on est la référence la plus fiable de toutes les préférences écoutables. M.O.J.J. On est pas de champ à voir si bien. Prends la presse à mon c'est ça si bien. Si bon, M.O.J.J. On t'raconte pas d'histoire, on est tous live à chaque soir. Faut le voir pour le croire. M.O.J.J. C'est un groupe psycho passe plus vite. Production organisée, même coup qu'on compte. Les enfants M.O. Moi c'est J.J. C'est quand tu nous vois en show, t'as pas le choix de bouger. C'est sa balance, t'en fous le bon sens. Dans mon cage, pèse pas lourd. Dans ce cubain, il pèse pas lourd. Mais des deux cas, on passe pour. Des gars, ça fait longtemps qu'ils sont là. Avec un certain talent, ben t'entends pas. Tu peux pas montrer au vieux singe comment faire le grimace plat. Fais bien pas essayer de nous montrer comment faire évoluer le rap. Y'a trop d'MCs qui disent qu'ils font du good shit, true that. Moi j'fais du rap, des gays, audace, bullshit. Y'a des MC rendus de plus en plus dur. Trouver des rappers style qui ont le sens du beat. Y'a pas grand gars avec qui j'ferais des filles. Juste les vrais, ceux que j'connais. Ceux que j'sais que c'est pas du blablabla bla, bla, comme certains que j'nommerais. Y'a pas grand monde qui bouge ici. À part une coupe que j'félicite, that's it. M.O.J.J. Y'a pas d'équivalence. On est la référence la plus fiable de toutes tes préférences écoutables. M.O.J.J. On est pas du genre à voir si bien. Quand on reste à mon c'est ça si bien. Si bon, M.O.J.J. On t'raconte pas d'histoire. On est tous live à chaque soir. Pour le voir, pour le voir. M.O.J.J. C'est un gros psycho parce qu'il vit un production rêvé. Même gros corps M.O.J.J. M.O.J.J. M.O.J.J. M.O.J.J. Y'a pas d'équivalence, on est la référence la plus fiable de toutes tes préférences écoutables. M.O.J.J. On est pas de genre à voir si bien. Quand on reste à mon c'est ça si bien. Si bon, M.O.J.J. On t'raconte pas d'histoire. On est tous live à chaque soir. Faut le voir pour le croire. M.O.J.J. C'est un groupe psycho passe plus vie. Production organisée, même coup qu'on compte. C'est fou depuis 10 ans. 10 ans, c'est plus vieux que moi, ça. On est des frogs. Way back. Way back. Way back. Way back. Way back. Way back. Way back. Way back. Way back. Ça fait un bout qu'on endure. Leur stress c'est pas à l'usure. Qui vont nous corser c'est sûr. Ou placer avec le mesure. Un peuple qui bûche puis cassure. Plus 400 ans pour son futur. Y'en a trop qui ont essayé de nous prendre puis nous réduire ensemble. Comme notre bibliothèque en 1849. Nous prendre sans rien rendre là-dessus. Y'a rien de neuf. Trump s'est trompé, son assimilation à la chier. C'est sûr qu'on a eu nos propres, notre côté made in chez nous. Trudeau, Chrétien, Martin, drapeau, la liste est longue, y'a trois virés fous. Ça c'est juste depuis 40 ans. Fait qu'imagine pour les 200 d'avant. Dictature de crotté, présidé de l'autre bord de l'océan par sa majesté. On est des frogs, du feu le québécois. Sans la gombole, le super Canada. On est des frogs, et c'est une dans la joie. Je reste un frog, je suis un québécois. On est des frogs, des foules de québécois. Sans la gombole, un super Canada. On est des frogs, et c'est une bonne joie. C'est un frog, je suis un québécois. On est un peuple nordique qui a jamais froid aux yeux. Puis dans toutes les Amériques, on est reconnu comme chaleureux. Même si on vit dans un climat qui a 80 degrés d'écart. Le facteur va nous casser les eaux humides. Excellent, encore plus chaud. On reste fort comme Maurice Richard. Les Québécois sont fiers, on se laisse pas avoir. Y'en a qui ont pas compris encore qu'on a un style de vie folklorique unique. Y'a rien d'envie au tropique. Hostie qu'on est bien ici. Mais bon, quand on me parle pas français, ça, ça me rend vraiment mauvais. Essaye pas de m'enlever mon congé de la Saint-Jean. J'pour une société distincte avec au moins distincte. Pis une langue principale, c'est pas l'anglais, ça donne mal. On est des frogs, des frogs québécois. Sans la gombole, le Super Canada. On est des frogs. Et si tu me donnes le choix, reste un frog. Je suis un Québécois. On est des frogs. Des fleurs québécois. Sans la combo. Super Canada. On est des frogs. Et si tu me donnes le choix, reste un frog. Je suis un Québécois. Un bon jour ça va arriver, c'est pas pour rien qu'il y a du monde qui sont morts pour la cause. Quand t'as de quoi pis qu'on veut te l'enlever, faut que tu tiennes droit, prêt à attaquer. Notre pensée faut s'en souvenir, même si elle essaie de nous le cacher. Notre pays a plus d'histoire que confédération graphiquée. J'ai hâte au temps où on va croiser, je me souviens. Quand on était Canadien, c'était à chier. On est des frogs, des fleurs québécois. Sans la combat, le Super Canada. On est des frogs, et si tu me donnes le choix, reste un frog. Je suis un québécois. On est des frogs, des fleurs québécois. Sans la combat, le Super Canada. On est des frogs. Si tu me donnes le choix, reste un frog. Je suis un Québécois. Rabbit. Caroline Rabbit. Rabbit. On va pouvoir partir d'autres balles et d'autres animaux. Hein. Les cats, genre. Ring, ring. On est les frogs. C'est ça, les frogs. Les dogs, harf, harf. Ah oui, harf, harf. Les oiseaux. Les pit-pits. On est les pit-pits avec un Z. Les pit-pits avec 3 T puis un Z. C'est vraiment très à la mode. J'aime ça. Alors, ces Frogs, ces fameux Frogs, on dit qu'ils ont débuté en chantant les succès de leurs idoles américaines de l'époque et peu à peu commencent à écrire leurs propres paroles en anglais. Je tiens à souligner beaucoup de fautes de français dans leurs documents. Pour vrai, non. Absolument. Ah. Bon, je sais pas si ça influe sur la qualité de leur rap. Je ne connais absolument rien en la qualité de rap. Alors, continuons. Ils font quelques performances aux après-balles de leur école secondaire et reçoivent de bons commentaires. Alors, c'est là qu'ils ont commencé à être plus professionnels et de chanter en français et de partir une carrière. Bon commentaire poli ou bon commentaire pour vrai, on sait pas. On sait pas. Peut-être que c'est vraiment bon pour vrai, mais qu'on sait juste peut-être. Pas. Peut-être. C'est possible. Alors, c'est pas mal ce qu'on dit dans le fond, que bon, ils ont eu beaucoup de collaborateurs, beaucoup de personnes qui se sont joints à eux, puis finalement, ils ont laissé pour qu'ils ne soient que deux, je crois. D'accord. Bizarre. Bon, en tout cas, à ce que je vois, je sais pas si on se trompe ou quelque chose, mais je crois, selon l'adresse de leur MySpace, que le nom du groupe, c'est Maigrou Gros Gras. Ce serait le nom du band et Frogs, c'est le nom de l'album, mais... mais ils arrêtent pas de dire on est les Frogs. Bon, ben d'abord, c'est peut-être le contraire, en tout cas. Mais c'est marqué leur album Frogs. Ah, l'album Frogs, bon, ben tiens, ouais. Ça doit être réglé avec ça. Leur album Frogs, Maigrou Gros Gras, si vous voulez avoir plus d'informations, je répète l'adresse de leur MySpace, le myspace.com/maigrougrosgras. C'est vraiment sans les lettres superflues. Allez-y, comme ça se prononce. À fond, MEGROUGROGRAS. Pour une façon plus simple de procéder, allez sur lunechance.com et allez voir le lien. Ça va être plus facile. Pour tout le monde, je pense. Même pour nous. Ouais, même pour nous. Donc voilà, on passe maintenant. On continue en fait. Non, on continue pas le rap, je me trompe. On continue le francophone avec du populaire, ce qu'on appelle d'accord. Du francophone populaire. Le 1303e, c'est du nom. C'est Ridan avec l'ange de mon démon. Ridan, Ryden, Ridan. Bon, on imagine si c'est francophone, ça doit sûrement être Ridan. Voilà, c'est ce qu'on croit. Voici tout de suite la pièce J'en peux plus à la chance. Au coureur sur les ondes de Sifu 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. Moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. Je sais, j'ai mille raisons pour me sentir bien. Pourquoi j'ai ce goût amer qui me vient de loin. Je la vois leur vie en rose, mais j'y crois plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. À me demander chaque jour ce que je ferai demain. À me demander encore si c'est le bon chemin. Mais où est-ce qu'elle va, cette route ne mène à rien. Mes doutes et mon destin, j'en peux plus. De mes doutes et mon destin, j'en peux plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Moi j'en peux plus. De moi j'en peux plus. Et toi, finalement c'est de la mort que l'on se rapproche. On se dit qu'on est plus fort qu'on oublie, jusqu'au moment où nous passerons le porche. Derrière ce qui paraît, y a ces lumières qui ne réchauffent plus les cœurs des gens sur terre. J'espère que là-haut, au moins, il fera bon vivre, parce qu'ici nous sommes ivres et j'en peux plus. Ici nous sommes tous ivres et j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. Je me sens comme une boussole sans le moindre pôle. Et on me demande encore ce qui me dérange. Je suis comme Pierre-Paul ou Jacques et j'en peux plus. Regarde-nous, souvent nous sommes les mêmes, sans le moindre grain d'amour pour que l'on s'aime. C'est quand la dernière fois que j'ai dit je t'aime. Au fond je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. Comme Pierre-Paul ou Jacques et j'en peux plus. Moi, de moi, je ne m'aime plus. J'en peux plus. Moi, je ne m'aime plus. Moi, j'en peux plus. De moi, je ne m'aime plus. Ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? traverser les mers à la force de mes bras. Seul contre les dieux, perdu dans les marées, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? À la chanson courant, c'est presque une comptine avec l'ambiance. Ridant, la pièce s'appelle Ulysse. On a entendu juste avant J'en peux plus. Regarde un petit peu sur le dossier de presse, voir ce que ça dit sur le premier Ridant qui lance son nouvel album L'Ange de mon démon. Remstar Interaction est fier d'annoncer la sortie de l'album L'Ange de mon démon de l'artiste Ridant. Le tout premier clip, l'extrait Ulysse qu'on vient d'entendre, tournera très bientôt et l'album sera disponible en magasin au Québec à compter du 4 septembre. Donc c'est déjà fait. L'extrait est d'ailleurs disponible dans la section musique du site remstarcorp.com. Ridant a écoulé plus de 150 000 albums en France à ce jour. Né en 75, sort en 2004 un premier disque Le rêve ou la vie et puis son inspiration chez Renaud et Georges Brassens pour chanter le racisme au quotidien. Parce que c'est une personne noire quand même, faut le dire. Il fut d'ailleurs lauréat aux Victoires de la musique 2005 dans la catégorie Album Révélation de l'année. C'est en 2007 qu'il nous arrive avec son deuxième opus, L'Ange de mon démon, encore plus percutant et émotif que le premier. Remstar Interaction est une nouvelle division sous l'aile de Remstar Corporation, fascinant, qui permettra la production de disques d'artistes locaux et internationaux, en plus de permettre l'édition des trames sonores à venir chez Remstar Production. Voilà. Donc, Ridant, si vous voulez plus d'informations, allez voir lunechance.com parce que l'album s'appelle L'Ange de mon démon et si ça vous intéresse, faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Ouais. Moi, je trouvais ça un peu sous l'eau, un peu tranquille. Je suis d'accord avec ça. J'aimais les petits bouts, il y avait des petits effets genre enfantin un peu au début de la pièce, ça. C'était bon. C'était mignon, je trouvais que c'était bien arrangé, mais trop tranquille à mon goût. Mm-hmm. On a à peine assez de temps pour cette fin de deuxième heure pour aller entendre un extrait d'une troisième pièce de Ridant, hein, pour pas commencer sur quelque chose de nouveau qu'on pourra pas finir. Hein. Ouais. Les auditeurs du vendredi s'en vont entendre les nouvelles de Radio-Canada alors que les autres reviennent juste après la pause. On s'en va entendre Ridant avec Rentre chez toi, mais faites pas ça maintenant. Non, reste ici. Caroline, reste là. Oui. Restez là. Hein? Promis, je reste ici. C'est la chance. Courage. Ça. Mon chemin, j'ai pas trouvé ma voie, j'ai pas trouvé les mots pour devenir quelqu'un de bien. J'ai volé un dico pour bien causer la France, pas besoin d'être Rimbaud pour bien comprendre qu'on veut pas de toi. J'ai pas non plus ma place dans cet appartement, je crois que mon appartenance nuit encore plus que mon odeur. Je peux pas être l'inconnu qui t'offre des bouquets de fleurs. J'ai la couleur du beurre que la vie transforme en balayeur. J'ai longuement hésité à refaire mes bagages. Ici les gens sont fous et ne se nourrissent que de rage. Il faudrait qu'on leur dise combien nous sommes chez nous, qu'avec ou sans papier, de toute manière partout c'est chez moi. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. Rentre chez toi. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. Rentre chez toi. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. Rentre chez toi. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. Rentre chez toi. J'aurais pu être ce qu'on veut, de toute manière ici c'est chez toi. vie n'était qu'un jeu, où il vaut mieux étroit que jeune de banlieue. J'en parle à l'imparfait, mais le temps ne change plus. Le passé m'a fait mal et le futur m'a pas plu. J'ai le choix entre la rue et les promesses volées. On construit de nos mains l'empire de nos aînés. Mieux vaut qu'on fasse sans toi, au risque de vivre dehors. Mieux vaut qu'on fasse sans toi, chaque seconde c'est de l'or. Pas le temps pour être heureux, c'est aujourd'hui demain. Nous bâtirons tout seul l'avenir de nos prochains. C'est pas la NPE qui va me filer mon pain. La frange et la pêchère, sois le bienvenu chez moi. Rentre chez toi, tu es trop blanc, j'aurais pu être noir. Rentre chez toi, tu es ce qu'on veut de toute manière, ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. Rentre chez toi, tu es ce qu'on veut de toute manière, ici c'est chez toi. J'aurais pu être blanc, j'aurais pu être noir. Rentre chez toi, tu es ce qu'on veut de toute manière, ici c'est chez moi. J'aurais pu être jaune, j'aurais pu être rouge. Rentre chez toi, tu es ce qu'on veut de toute manière, ici c'est chez toi. Bienvenue chez toi. À la chanson coureur, on s'en va entendre Bad for Lashes avec la pièce What's a Girl to Do? We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, do you still love me? I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love so long that the thrill is gone, and your kisses at night are replaced with tears. And when your dreams are wrong, a train to train. Take me away, that we'd work things out, and I didn't want to tell him, but it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out, and my bat lightning heart. Lashes avec Fur and Gold de l'album et What's a Girl to Do, c'est le nom de la pièce. Vous êtes à la chanson coureur et maintenant pour cette troisième heure, je suis toujours Mathieu Plante. Je suis Caroline Cloutier slash Princess Peach. Et moi je suis DJ Suzanne. Et Suze. Tu es le MC. Oui ben oui. MC. MC. Bad for Lashes, un groupe d'alternatives de Brighton au Royaume-Uni. Badforlashes.com. Natacha, en fait, c'est elle qui écrit, qui chante et qui joue du harpsichord, hein, du piano, auto-harp, guitare, beat machines et percussions. Il y a aussi Ginger Lee, AB Fry et Lizzie Carey dans le groupe les influences David Lynch, Angela Carter, The Virgin Suicides, Donnie Darko, Buffalo 66, Karate Kid et plusieurs autres. Sur leur MySpace, au myspace.com/batforlashes, il y a des pièces dont What's a Girl to Do et la prochaine qu'on s'en va entendre qui s'appelle Horse and I, qui est la première de l'album. Autre que ça, ben vous deux, c'est à peu près ça. Hein? C'est vraiment juste vous êtes là. Mais moi, je trouve ça le fun que tu dis influence David Lynch, qui est un réalisateur de films, de téléséries, etc. C'est quand même le fun. Peut-être qu'ils aiment créer des ambiances de films ouais, dans leurs pièces. Exactement. Peut-être qu'on va l'entendre dans la prochaine pièce qu'on va entendre tout de suite. J'ai dit entendre deux fois. Horse and I, la chance. Au coureur. Avec MC Danny Janvier, MC Caroline Cloutier et MMC, the Master of the Masters of Ceremony, Mathieu Plan. The MMC, house. Yeah. Oh, yeah. Go. Check it out. C'est fou, yeah. C'est la chance. Oh, coureurs. Avec des ailes 3-4 R. Got woken in the night by mystic golden light. My head soaked in river water. Been dressed in a coat of armor. They caught a horse out of the woodland. Take her there through the desert shores. They sang to me, this is yours to wear. You're the chosen. Quit for the shadows, horse and I. We're dancers in the dark. Came upon the headdress. It was gilded, dark and golden. The children sang. I was so afraid. I took it to my head and prayed. They said to me, this is your. Un bambino-métrage. T'as des moyens-métrages pour vrai, je savais même pas. Oh oui, ça existe, des moyens-métrages. On parlait de Rabbids, Danny me parlait de ce... En tout cas, il croyait que c'est une série, on sait pas, c'est peut-être une série aussi. Mais il me semble que j'ai vu plusieurs épisodes. Okay. Peut-être que le 50 minutes est coupé en morceaux. En épisode de 10 minutes. Ça, c'est des bambino-métrages. Des bambino-métrages. C'est comme ça. Ben, 10 minutes, c'est plus un court-métrage. Ouais, c'est ça. C'est plus une minute, ce serait un bambino-métrage. On pourrait diviser en 23 épisodes. Faire. On pourrait avoir un menu pour enfants aussi. Un nanométrage. Un nanométrage. 30 secondes. C'est ça. Un nanométrage. On disait Rabbids, ça date de 2002. C'est fait par David Lynch, celui qui a fait Twin Peaks et un paquet d'autres films bizarres et étranges. Avec Naomi Watts, qu'on doit pas voir parce que tu disais que ils ont c'est... Ils des têtes de mascotte, mais c'est des lapins. C'est hallucinant. Mais ils sont habillés normalement, genre. C'est dérangeant un peu à voir. Découvrez ça. Je suis sûr que sur YouTube, il peut y avoir des petits bouts de ça. Faut trouver ça, je pense. Ça m'intrigue vraiment très profondément. Parlant de nano, on a mentionné il y a quelques semaines, ce serait bon de dire une fois de temps en temps dans des émissions qu'il y a un concours assez fou qui s'appelle Trouver le slogan de C'est fou, là, quelque chose comme ça. Et puis on vous demande. On peut peut-être trouver un slogan pour trouver le slogan. Ouais, c'est ça, trouver un nom pour le concours. Mais, mais là, c'est un autre. On va diviser le marché des incroyables nombres d'entrées qu'on a reçues sur l'adresse web c'estfou@qtr.ca. On vous demande de trouver un slogan pour le 10e anniversaire et pour la station en général, C'est fou 89 FM. Si vous avez des idées, vous pouvez le faire par courriel encore une fois web c'est fou@qtr.ca. Et puis, voilà, vous pouvez gagner un iPod Nano. Date limite 28 septembre. Je pense qu'on a pas mal tout dit, les points importants. Merveilleux. Et dis-moi, est-ce qu'on va annoncer le gagnant lors de l'émission spéciale du 2 octobre? Mais dis-donc, comment tu fais pour savoir? C'est ma logique. C'est dans la pub aussi, hein. Oui, ça, la boule magique, ça. Okay. La boule magique, ouais, je te connaissais pas comme ça. Ouais, je suis une voyante, tu vois, j'ai une boule de cristal, tu la vois pas, elle est juste ici. Ah, là. Ben oui, Guénon, ça, c'est ça. Donc, ça va être à l'émission spéciale qu'on va annoncer le gagnant, c'est le 2 octobre. L'émission commence à 18h, c'est le 2 octobre, ça va être un mardi pour le lancement de la programmation de C'est Fou. Il va y avoir un paquet de groupes invités aussi, ça va être génial. Renseignez-vous en écoutant la pub, et puis on va en parler d'ici les prochaines semaines jusqu'au concours, jusqu'à la révélation du gagnant. Ouais. Donc, on passe de Bat for Lashes avec leur album Fur and Cold, si vous voulez vous le procurer. C'est, on en a parlé tantôt, mais c'est très très bon. Et puis le prochain qu'on s'en va entendre, c'est du punk. L'album s'appelle The Needles the Space. The Needles the Space de la formation Straight Light Run. Et voici à l'instant même The Words We Say. Et c'est où ça? La chance. Au courant? L'émission oui. Qui découvre les nouveautés musicales avec vous, c'est ça? Entre autres. Qui ont été reçues pendant la semaine, assez fou. Où ça? La semaine qui vient de se finir, là. Là, là, là, là, là. Là, on dirait que les vendredis du matin à 10h à CFI 89.1. Retour plus de Straight Light Run à la chance au coureur. Oh. Oh. C'était beau. Oui. On fait ça. À la chance au coureur. Stop now. Begin. Tout de suite à la chance au coureur. Soon we'll be living in a future, the Straight Light Run. So dying. this is only temporary. No, this is only temporary. Not now, but soon we'll be living in the future. And please be honest. What's it mean and what have you done? And can I just be another risk you're running? Can I? It's impulsive and always on my mind. I'm dying. Light Run à la chance au coureur avec une pièce qui se nomme Soon We'll Be Living in the Future. Effectivement, effectivement. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Tu pensais qu'on allait en pub alors qu'on arrive de pub? Ben, c'est ça, ouais. Je suis mêlée. mêlée. Ouais. Okay. Ouais. Donc, Streetlight Run, The Needles, The Space, c'est leur nouvel album en magasin maintenant. Vous pouvez aller voir leur MySpace au myspace.com/Streetlight Run. C'est vraiment super, super beau comme MySpace. Il y a un hibou. Oui. Un oiseau. Oui, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de genou, par contre. Non, non, malheureusement, pas de règles en X. Et voilà. Vous pouvez aussi savoir quels sont les membres du band. Voyons, John Nolan à la guitare, piano et voix, Michel Darosa à la guitare, piano et voix, Sean Cooper à la basse et Will Noon à la batterie. Voilà. Vous pouvez voir les vidéoclips aussi. Comment? Excuse-moi, non, vas-y. Finalement, c'est pas très punk. On avait annoncé qu'on s'en allait entendre du punk et j'ai pas vu de punk là-dedans. Non, c'est classement c'est bon, punk. Par exemple. Peut-être que plus tard dans l'album, ça devient plus punk. C'est possible. On pourrait deviner ça. On dirait un pain, leur CD, c'est bizarre. Le design ouais, de leur CD, c'est vrai. Une queue de pain. Donc, très intéressant. Streetlight Run, The Needles, The Space. Ils vont être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis, mais je ne vois pas de date au Québec pour l'instant. Vous pouvez par contre aller voir des vidéoclips, dont la pièce Soon We'll Be Living in the Future sur le myspace.com/Streetlight Run. Je ne sais pas s'ils ont un vrai site. En tout cas, l'adresse n'a pas l'air si évidente sur leur MySpace. Voilà. Donc, on passe du supposé punk oui. à du supposé alternatif. Hein? Alternatif, c'est encore assez... ça englobe beaucoup de choses. C'est donc, vague. Il y a des chances que ce soit alternatif. Voilà. C'est peut-être du style punk aussi, mais c'est pas punk. C'est on sait pas. Possible. Ça peut être n'importe quoi. Donc, Ultra Orange et Emmanuel, c'est le nom du band. Je regarde à l'intérieur, c'est marqué en français, réalisé par Pierre Emery. Donc, je sais pas si c'est des francophones, on va se renseigner là-dessus. Ultra Orange et Emmanuel, voici à l'instant même une pièce qui se nomme Sing Sing. Sing sing about it. À la chance. Chantons à la chance du coureur. Au coureur. Shivers the world is filled with crocodiles. You said we're surrounded by sharks. With your white horse, my prince of the darkness, I'm gonna fly away, I'm gonna fly away. Got nowhere to hide inside your dirty mind. I wanna say no, but my heart keeps saying I want more. So I sing, sing, sing. I'm your prisoner, I'm your thing. I just sing, sing, sing. I got a ball and chain and I learn how to swim. Is it me or is it you? Ultra Orange et Emmanuel avec la pièce Simple Words de leur album qui est éponyme. Ah, chance au courant. Hein? C'est bon, hein? Oui. Super. Juste avant, c'était la pièce numéro 1, Sing Sing. Donc, parlons un petit peu de Ultra Orange et Emmanuel. C'est un groupe français, ils viennent de l'Île-de-France. Un groupe de indie rock. Pourquoi pas? Vous pouvez voir documentaire sur eux, même épisode 1, épisode 2, comme ça, sur leur MySpace, au myspace.com/UltraOrangeEmmanuel. Faut le taper comme faut, hein? Ouais, c'est un peu long comme nom d'artiste. Difficile. Donc, composé de Pierre Emery et de Gilles Lesage, Ultra Orange, groupe rock, a vu le jour au milieu des années 90. Après un premier album éponyme en 96, ils sont remarqués et largement soutenus par l'ensemble des médias spécialisés et seront tout de suite encensés par ceux-ci lors de la sortie de leurs deux albums, Snow White en 2001 et Seven Lonely Girls en 2003. Emmanuel Sagnier est une enfant de la balle avec un grand-père doyen de la comédie française. C'est donc très naturellement qu'elle s'est dirigée vers le cinéma avec le succès que l'on connaît. D'accord. Si on le connaît, s'ils nous disent qu'on le connaît, si on le connaît, tu connais ça, toi? Ben, j'imagine que les Français la connaissent. Ouais, je sais, mais quand même. Ses plus beaux rôles après son premier film, ses plus beaux rôles avec, après son premier film avec Godard en 84, Frantic en 88, Lune de Fia en 91, Place Vendôme en 98, La Neuvième Porte en 99, Backstage en 2005 et La Môme en 2007. Ah, d'accord. On se rappelle du film La Môme. En 2006, sur l'île de Palma, Emmanuel tourne un film sur lequel Gilles Lesage travaille. Gilles décide sans intention précise de faire venir Pierre Emery pour qu'ils travaillent ensemble à faire de la musique. Leur culture musicale commune, leur plaisir partagé sur ce travail et leur envie de continuer cette expérience les amènent rapidement à écrire un puis plusieurs titres. De l'Espagne à la France, sans jamais entrer en studio avec avant la phase finale de mix, ils signent finalement un album rock des plus prometteurs à paraître le 26 mars prochain. Donc c'est fait. Dont le premier titre écrit et le premier single Sing Sing qu'on a entendu au départ. On l'a entendu. Roger Moutenot, producteur et mixeur pour Lou Reed, Yola Tango, Sleater-Kinney, The Velvet Underground, rencontrera via le réalisateur Julian Schnabel, avec qui Emmanuel vient de terminer son dernier film, Le Scaphandre et le Papillon. Le nouveau groupe Ultra Orange et Emmanuel, emballé par ce qu'il entend, il décide avec le groupe d'aller mixer l'album dans sa ville de Nashville. Comment ça va être long, ça? Le disque sera masterisé à New York par Greg Galbi, à qui on doit notamment des classiques comme des albums des Ramones, des Strokes ou encore de Bob Dylan. Pierre Emery a donc réalisé les 11 titres de cet album qu'il a lui-même écrit et composé, à l'exception de Rosemary's Lullaby. Sing Sing, le clip en deux versions réalisé par Jean-Baptiste Mondino est disponible sur le myspace.com/UltraOrangeEmmanuel. Voilà qui fait le tour. Oui, enfin. Hein, c'est beaucoup de trucs à dire sur Ultra Orange Emmanuel. Leur album est éponyme. On passe de ça à un petit peu, encore un petit peu d'alternatifs anglophones. Oui, Betty Lavette de leur joli album The Scene of the Crime. Mm-hmm. Et on va entendre la pièce You Don't Know Me At All. Effectivement, on ne la connaît pas. On la connaît pas du tout. Moi, on va aller la découvrir. Un peu comme Emmanuel Saigné. Aucune. Qu'on ne connaît pas. Mais c'est une vedette pareille. Un peu comme nous trois, les MC, là, Caroline, Dany et Mathieu. Rock on. Woke up this morning, I had the blues. Took a look at the headlines, y'all, that didn't help my mood. Sitting here in misery, trying to stay sane. Between the dawning of a new day and the coming of a midnight pain, I feel empty all the way down. I feel empty stuck by you and this old town. I gave you everything on a silver tray. I could have been a fool forever, but I ain't made that way. After all these years, it's a shame to say goodbye. I'm doing us a favor, I can't help you live a lie. Oh, believe me, if you think I'm gonna come back when you call, took my breath away. Now I want it back. You tried to kill me, baby. You look so good. Goodbye. After all these roads we've been down together, it's a shame I have to say goodbye. Oh, but you must believe. We'll be right back. darling. You know I ain't gonna do nothing I ain't supposed to do. Trust in me, baby, everything will be alright. Cause I know I can count on you. I've been this way too long to change. Un eggplant, c'est pas une courge, une courgette, de la fameuse. Hein? Oh. Un baobab, moi je pense. C'est non, un c'est eggplant en anglais. Eggplant, ouais. Un plant aubergine. D'œuf. Aubergine! Oh, oui. Yes! Aubergine, c'est ça qu'on cherchait. Donc, Nicolas a pas une aubergine. Non! C'est ça. on vient d'entendre Betty Lavette. Oui, Betty Lavette. Avec l'album The Scene of the Crime, on a entendu deux pièces. I Still Want to Be Your Baby, Take Me Like I Am. Précédé de You Don't Know Me At All de Betty Lavette. Betty Lavette. Ils nous ont envoyé un incroyable texte sur l'historique du groupe. Je n'ai pas envie de le lire, mais je sais que l'album sort le 25 septembre prochain. Retourner à la scène du crime. Betty Lavette à Muscle Shoals, Alabama, 35 ans plus tard. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand même. Betty Lavette, The Scene of the Crime, c'est ça qui est ça. Vous êtes à la Chanson Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales. On commence à être un petit peu pressé dans le temps. D'accord, donc j'ai même pas serré. Envie. C'est tight. J'ai même pas commencé avec un nouveau CD parce que j'ai l'impression que ça ne rentrera pas. À la place, on va sans. On a arrêté. Je ne peux m'empêcher de. D'accord, ça passe au-dessus de la tête de bien des gens. On va s'en sortir un peu. Les gars et les filles. Le gars, la fille. Oui. Bonjour. Petit et Lavette. Je vais vous demander de choisir avec moi le coureur de la semaine. Je sais que vous n'avez pas été là toute l'émission, mais quand même, on va les écouter, on va en parler un par un. On a entendu Ultra Orange et Emmanuel. On a entendu Stray Light Run, Bad for Lashes, Ridan, Meg au gros gras, Colette, que j'ai bien aimé, Horizon, Josh Ritter. On a reçu aussi Black Audio, les Yayayez, potentiel aussi. J'ai tassé un petit peu Colette pour voir si je ferais pas peut-être une pile, genre quoi, la semaine. The Weaker Dan's, Cake, album de B-Sides and Remixes. Je sais pas si Dan pourrait peut-être être intéressé par ça. Et Farewell. Donc, en gros, une semaine un petit peu bof. Ordinaire, nature, régulier. Peu mouvementé. Ripple, peu mouvementé en effet. C'est ça, sans sucre ajouté. C'est ça. Aspartame, ça goûte pas très bon. Ouais. C'est ça. C'est un peu comme un Perrier. Ben, toi, t'aimes les vieilles gaillesses. Pourquoi tu vas pas avec ça? Je vais y aller avec ça, je pense. Colette, c'était bien, mais je sais pas, je suis pas sûr encore. Là, je le réécoute. Est-ce que c'est franco, Colette? Oui. Ah. Ouais. C'est très calme, c'est très féminin, je sais pas. Ça me faisait penser un petit peu à Camionnette qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Donc, voilà, ça va être notre coureur de la semaine. Alors que nous, on est presque sur le bord de se quitter à la chanson coureur. Merci à Caroline Cloutier. Ça m'a fait plaisir. D'avoir été là, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Oui. Dany Janvier. Merci, Caro. Ben, de rien. Tellement et moi, vibe. Et moi. Mais tous, c'est parce qu'on n'a plus besoin de le dire. Mais non, c'est comme trop, compris. C'est trop. Mais trop. T'es comme une légende. Urbaine. J'existe pas vraiment, dans le fond. c'est tout pour la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, les lundis de 11h à 13h, dans les palmarès C'est fou, les vendredis soirs de 17h à 19h. La chanson coureur est en direct le vendredi matin à 10h, hein, toujours avec vous comme ça, et en rediffusion plusieurs fois pendant la semaine. Allez voir sur lunechance.com pour les dates exactes. Je vous remercie pour vrai, Caroline et Dany. Mathieu, t'es un genre de... Je pense que c'est juste un programme où on rentre des mots. Puis... Ça se dit ça. C'est comme un robot, comme Juliette. Comme Juliette, oh, on oui. l'aime, on devrait la réentendre un jour, Juliette, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, c'est notre voix robotisée, assez fou. De chez AT&T. De chez AT&T, Voices Lab Demo, voilà. De la part de Dan Janvier, de Karen Cloutier et de moi-même, mais je vous souhaite une très très bonne semaine, celui-là la semaine prochaine aussi, et moi je m'appelle Mathieu Plante, je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir, on se quitte sur notre courant la semaine, voici les Yeah Yeah Yeahs avec Kiss Kiss. Rock classique suit à partir de 13h le vendredi. Tonight, and baby, my snake is a shark tonight.